Légende du Calvados, Saint-Sever. Le sorcier amateur. Au hameau des Montbonnel, un garçon qui s'appelait Jean Grillon, fainéant, buveur, mangeur, appréciait la table et le luxe sans rien faire. À force de traîner, il pensa devenir sorcier. Il n'y a pas de son métier. Si des bourgeois et des paysans s'enrichissent, pourquoi un sorcier ne le pourrait-il pas? Il va dans la ville de Vire, dans la paroisse de Saint-Glaire. Là, il entre dans l'auberge, l'arrivée de Bretagne, et réclame à boire. Une conversation lui apprend que la femme du lieutenant de police cherche un sorcier. Il se présente au domicile de la dame. Cette dernière lui annonce que son mari est parti pour quelques jours, qu'elle recherche une bague de diamants qu'elle a égarée. Si Jean Grillon se sent capable de retrouver le bijou en moins d'une journée, elle offre le gîte et le couvert en échange. Affamé par la route, il avale le dîner. Puis il s'assoit dans un fauteuil en s'exclamant « Ah ! En voilà un de prix !» en pensant aux trois repas de la journée. Le serviteur qui l'entend va raconter ce qu'il a remarqué à ses collègues. Un autre serviteur déclare qu'il fera le prochain service. Le lendemain matin, Jean commence sa journée en prenant son petit déjeuner, s'installe à nouveau dans les coussins en s'exclamant « Ah, en voilà deux de prix !» Le serviteur qui l'entend va raconter ce qu'il a remarqué à ses collègues. Le troisième serviteur déclare qu'il fera le prochain service. Le soir même, le même scénario se déroule et Jean Grillon s'exclame « Ah, les voilà pris tous les trois !» À ce moment, le serveur tombe à ses pieds et s'écrie « Oui, monsieur, c'est nous qui avons pris la bague. Nous allons la rendre. Mais que devons-nous faire en échange ?» Jean Grillon consent à ne pas dénoncer les coupables à la maîtresse. Il ordonne de mettre la bague dans une boulette, de faire avaler la boulette par le dindon blanc à queue noire qu'il a remarqué dans la cour. Le soir, Jean Grillon se présente devant la maîtresse de maison et lui dit « Oh, madame, votre bague m'a donné un mal affreux. Mais grâce à la pluie du diable Astaroth que j'ai invoquée trois fois à minuit, près de la croix au bain que j'ai frottée avec le sang d'une poule noire âgée de 32 lunes, j'ai découvert que votre dindon blanc à queue noire a mangé votre bague un jour que vous l'aviez déposée près de vous dans la cour. Que l'on tue l'animal, ce soir à la 9e heure, et votre bague vous sera rendue. » Chose dite, chose faite. La dame voulut garder une journée de plus le sorcier, et même le présenter à son confesseur. Autour du dîner, la dame réunit donc le sorcier et le confesseur. Quand soudain, le retour du lieutenant de police est annoncé. Comme il est jaloux, la dame demande au sorcier de réaliser un nouveau miracle. Le dîner dissimulé, le lieutenant trouve dans son assiette un maigre hareng. Pendant qu'il s'en contente, son épouse annonce qu'elle a retrouvé la bague grâce à l'intervention d'un sorcier. « Un sorcier ? Ma femme consulte un sorcier ? Quelle sornette as-tu encore trouvée pour me faire rire ? Ah ! Je serais curieux de le voir, ton sorcier !» Pour prouver ses pouvoirs, le lieutenant demande à Jean Grillon de transformer les harengs en un mets plus succulent. Aussitôt, Jean fait apparaître les plats préparés pour le dîner du confesseur et de la demande. Ensuite, il propose au lieutenant de faire surgir le diable avec son feu. « Non, non, ma demeure risque de s'enflammer. » Il propose de le montrer avec ses cornes. « Non, non, c'est d'une laideur trop horrible. » Il propose de le faire venir, déguisé en capucin. « Ah ! Voilà une idée charmante. Montrez-moi le diable vêtu de la tunique d'un capucin. » Jean Grillon fait sortir le curé caché sous la table. Pour conclure, le lieutenant propose de choisir lui-même une épreuve pour mesurer les pouvoirs du sorcier. Sur ces mots, l'officier sort de la pièce et y revient avec un plat coiffé d'une coque d'étain. « Puisque tu es plus malin que tout le monde, dis-moi ce qui se trouve dans ce plat. » « Ah, mon pauvre Grillon, te voilà bien pris !» s'exclama le sorcier amateur, se sentant perdu. « Comment ? C'est incroyable. Regarde-toi-même. C'est bien un grillon que j'avais caché ici. » Heureux de son coup d'essai, Jean Grillon quitte rapidement la ville. Mais la rumeur publique court plus vite que lui, et sa réputation est si forte que sa fortune est assurée. Bientôt, de jeunes grillons prennent exemple sur leur père. Victor Brunet, conte populaire du Bocage, 1886. Lu par Sabine pour Audiocité sous la licence Art Libre.